En Corée, divers secteurs de l'économie nationale enregistrent de grandes réalisations dès le début de la nouvelle année. Les scientifiques et techniciens de l'Académie nationale des sciences procèdent principalement au règlement des importants problèmes scientifiques et techniques pour moderniser et normaliser au niveau élevé les usines et entreprises afin de nationaliser les matières premières, les combustibles et les équipements. Les producteurs d'électricité de la centrale thermique de Chongcheongang entreprennent comme il faut le système de réparation des équipements et livrent dynamiquement le mouvement d'innovation technique collectif pour dépasser chaque jour à 120% le plan de production. Le secteur du transport ferroviaire accorde la priorité à satisfaire les besoins des centrales et des usines métallurgiques et chimiques et à dépasser par rapport à la même période de l'année passée les taux de transport des marchandises des centrales à 1,1 fois, des usines métallurgiques à 2,5 fois et des usines chimiques à 1,3 fois. Par ailleurs, les ouvriers du domaine de pêche du district du littoral ouest, tels que des entreprises halieutiques de Mundo, de Pyongwon, de Chungju et de Hanchon, dépassent chaque jour le plan de réparation hivernale des bateaux à plus de 110%.